Alors venez dire non, non à la politique migratoire de l'Arizona. Venez signer la pétition géante pour dire non aux rafles, non aux expulsions. Ils n'aiment pas les infirmières, ils n'aiment pas les chômeurs, parce que c'est ça leur travail, c'est chasser les chômeurs, c'est chasser les malades, c'est chasser les étrangers, c'est réduire nos pensions, c'est bloquer nos salaires, c'est détruire notre sécurité sociale. Tout ça pour nous mettre à genoux aux portes des entreprises pour accepter des conditions de travail déplorables, une flexibilité sans limite, des contrats précaires, des salaires de misère. C'est ça qu'ils veulent, ils sont au service exclusif des riches, des spéculateurs, des patrons d'entreprises. Ils essayent de nous faire croire qu'en appauvrissant les parents, on va assurer l'avenir de leurs enfants. Mais tout ça est faux. Nous, ce que nous voulons, ce sont de bons salaires, des salaires négociés librement dans les secteurs, dans les entreprises au niveau interprofessionnel. Du salaire brut, avec du salaire socialisé, du salaire qui nous donne droit à une pension correcte, du salaire qui nous donne droit à un revenu correct quand on est malade, quand on est blessé, quand on perd son emploi. On veut du salaire qui nous donne accès à des soins de santé de qualité. Voilà, on veut une action publique forte. On veut beaucoup de fonctionnaires, parce que les fonctionnaires, c'est la richesse, c'est le travail qu'ils produisent, c'est la richesse de ceux qui nous... Et là devant, il y a les femmes CSC, alors on peut rejoindre.